attention, attention. Normal, et puis. Bonjour, monsieur Le combat de Aïd pour son camp métier, de toute la collection, le combat de l'entourage d'Adil pour la justice autour de sa mort, le combat pour maman Nicole Kanda pour la justice, pour la mort de Dieu-Merci Kanda, de toutes ces personnes et notre combat à tous qui sont présents ici aujourd'hui. Personne ne sait pas ce combat car ce combat nous touche tout un chacun. Nous sommes tous des potentiels victimes. Le but est d'éviter la déshumanisation des victimes de violences policières, stratégie couramment utilisée pour légitimer les actes commis par les policiers. Deuxième point, la nomination d'un juge d'instruction directement après que l'acte soit commis, de façon à ce que la famille puisse avoir droit à une enquête neutre et indépendante. Le juge d'instruction doit mener l'enquête et pas la zone de police d'à côté. Le juge d'instruction doit exercer sans subjectivité émanant de la police ou du parquet. Lors du procès, le dossier de non-droit ne doit pas être pollué par des parties adverses malveillantes. Le quatrième point, justice pour toutes les violences policières commises en Belgique. Semira Adamou, les autorités. justice. Soutenez la lutte des sans-papiers le 12 et le 20 juin prochain. Créons un rapport de force. Les sans-papiers, nous ne pouvons plus respirer. Police partout! Police partout! Police partout! Police partout! Police partout! Police partout! Police partout! Police partout! Police partout! Police partout! Police partout! Laissez-nous respirer! Nous les sans-papiers sommes habitués à manquer d'air, de droit et de justice depuis toujours. Nous prenons la parole au nom de la coordination des sans-papiers de Belgique. Je suis Modou, porte-parole du collectif de la voix des sans-papiers de Bruxelles. Notre parole est également celle de plus de 150 000 sans-papiers en Belgique, toutes victimes de nombreuses violences institutionnelles, racistes et paternalistes, dont les violences policières sont la queue du dragon. Au stade où nous en sommes, l'heure n'est plus qu'à la réprobation, ni à juste à la dénonciation, mais je partage ma colère avec vous. Plus besoin de recevoir des likes, nous voulons une solution pérenne, la régularisation. Face à cette crise sanitaire et l'ignorance totale des gouvernements successifs, aucune institution ne s'est manifestée pour nous soutenir. Celles des personnes lambda sont à nos côtés. Pour nous, le manque de décision nous concernant est un signe récurrent de la maltraitance de la Belgique. La Belgique, la petite sœur de la France coloniale et l'héritière du système impérialiste européen, qui pousse nos frères et nos sœurs hors de leurs terres, nous noyant dans les mers et nous tuant aux frontières. L'agence Frontex, bras armé de l'Europe, nous tue sous couvert des lois internationales votées aussi à Bruxelles. Nous, les sans-papiers, nous sommes constamment sous la menace d'un contrôle policier dans les rues, dans les transports en commun, devant les écoles de nos enfants, sur les lieux de travail où nous sommes exploités, dans nos logements souvent précaires, dans les manifestations. En tant qu'habitants d'un squat de sans-papiers, nous sommes régulièrement criminalisés par la police. Pas plus le 27 mai dernier, notre occupation a été victime d'une intrusion de plus de 100 policiers qui ont bouclé le quartier et ont tenté de nous intimider pour une simple affaire de règlement intérieur au squat qui ne concerne que nous-mêmes. Nous avons refusé de subir leurs menaces. Du renfort a été appelé. Depuis, nous avons interpellé le bourgmestre d'Ixelles, qui est aussi chef de la police. Nous attendons toujours une réponse. Nous devons sans cesse nous battre pour nos droits contre la maltraitance des services sociaux, juridiques, administratifs qui nous placent en dessous du barreau de l'échelle sociale. Traités comme des sous-êtres, les fondements historiques et capitalisme qui ont créé l'esclavage et le colonialisme prouvent à quel point nos corps et nos déterminismes sont assujettis. Nous sommes des êtres humains. Aujourd'hui, nous appelons à la solidarité politique des diasporas organisées et visibles devant le palais de justice qui tombe en ruine. Battons-nous ensemble pour la fermeture pour les étrangers, dans laquelle nous sommes torturés, déportés dans des conditions ignobles. Chaque fois que la police nous escorte à l'aéroport, cassant des côtes et des doigts des crânes, étouffant Samira Adamou sur un coussin, en tirant sur Maouda, niant la vie des personnes non blanches. Je cite Martin Luther King, une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier. Remercions le collectif des sans-papiers. Non justice! Non peace! Non justice! Non peace! Non justice! Non peace! Black Lives Matter! Black Lives Matter! Black Lives Matter! Black Lives Matter! Malheureusement, les témoignages de victimes policières, la liste est longue. Nous devons encore accueillir un témoignage poignant, touchant, qui nous rejoint ici, maintenant, pour témoigner de la souffrance et de la douleur, comme les autres familles qui nous ont précédés. Nous ne voulons plus compter nos morts, nos justices, nos peace, nos justices, nos peace, nos justices, nos peace. Veuillez respecter les distances de sécurité, s'il vous plaît. Gelieve de Veiligheids afstand respecteren, alstublieft. Tant que possible, reculez. Reculez et maintenez une distance de 1 mètre entre vous. Un afstand van 1 mètre tussen elke persoon. Et bien entendu, gardez vos masques. Bonsoir, chères mademoiselles, mesdames et messieurs. C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de notre fils Moïse Lamine Bangoura le 7 mai 2018. La police est venue chez nous pour nous annoncer que notre fils Moïse Lamine Bangoura est mort. Et ce n'est pas une mort naturelle, ce n'est pas dans son lit d'hôpital qu'il est mort. Mais suite à une interpellation policière et aussi la présence des huissiers qui devraient l'expulser de chez lui. Donc, selon la police, ils nous ont dit que Lamine est tombé dans son salon. Et tout ce qui s'est passé, personne ne peut nous expliquer cela. Et ils nous ont donné des numéros de téléphone. Merci beaucoup. Ils nous ont donné des numéros de téléphone qu'il faut contacter. Immédiatement, nous avons contacté ces numéros et qui étaient restés sans suite. Notre appel était resté sans succès. Et le lendemain, pendant que nous étions sur le chemin, ça c'était le 8 mai, nous étions sur le chemin de partir à Rousselaar. Il y a un commissaire de la police qui nous a appelés pour nous demander, parce qu'il voulait savoir combien de personnes voulaient voir le corps de mon fils, Lamine. Comme nous étions 4 dans la voiture, nous les avons dit 4 personnes voulaient voir le corps. Et comme nous nous sommes rendus à la police de Rousselaar, ils nous ont donné 2 agents qui nous ont amenés, ils nous ont accompagnés jusqu'à l'hôpital de Bruges où Lamine était couché. Mais dès l'arrivée à l'hôpital, nous avons été reçus par un policier qui était en civil du nom de Patrick et qui nous dit que nous ne pouvons pas toucher le corps ni l'embrasser. C'est fort. Mais avant de nous faire entrer dans la chambre où était couché Lamine, ce monsieur, le policier du nom de Patrick, faisait plusieurs va-et-vient entre la chambre où Lamine était couché et la place où on nous a réceptionnés. Et quand il nous a fait rentrer, nous avons seulement vu le visage de Lamine, avec quelques blessures légères sur le visage et le sang qui coulait sur son oreille gauche. Merci. Merci. J'ai réussi à poser quelques questions à ces agents qui étaient en civil du nom de Patrick pour savoir ce qui est arrivé à Lamine. Il m'a carrément répondu que nous ne sommes pas en Afrique. Merci beaucoup. Et comme il me dit, comme l'enquête est en cours, qu'il ne peut pas répondre à mes questions, je lui ai dit gentiment que nous allons nous rendre là où habitait mon fils, Lamine, pour demander les voisins afin de savoir ce qui s'est passé. Et il me dit comme ça, non, personne n'a vu ce qui s'est passé. Ça s'est passé dans sa maison avec 5 policiers et aussi les huissiers de la justice. Donc ça a été sa réponse. Et nous-mêmes, merci beaucoup. Et nous-mêmes, nous sommes rentrés. Merci. Nous nous sommes rendus chez Ramine et un voisin nous a ouvert la porte. Il nous a dit que Lamine criait très fort avant de rendre l'âme, avant de mourir. Et qu'il y avait un agent de la police qui avait saisi tous les téléphones des huissiers, des gens qui filmaient la scène et qu'il a réussi à supprimer tout cela pour qu'on ne puisse pas voir la preuve comment mon fils est mort. Sidéré d'entendre cela. Oui. Par contre, nous avons cherché, je vous demande de m'aider. Aidez-moi, parce que je ne parviens pas à comprendre comment tout cela est arrivé. Aller jusqu'à effacer les preuves qui pouvaient inculper quelqu'un. Je ne peux pas comprendre cela. Si c'est un civil qui le fait, on pouvait comprendre. Mais un agent de la police qui est censé de nous sécuriser, aller jusqu'à effacer toutes les preuves de la mort de mon fils. Ça m'a beaucoup intrigué. Donc, face à cette situation dramatique, j'avais adressé un courrier recommandé au ministère de la Justice, au ministère des Affaires étrangères, au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et aux juges. Et jusque là où nous sommes, aucune suite favorable n'avait été accordée à tous les courriers que j'ai adressés à l'État belge. Maintenant, comme nous sommes ici présents, je lance un appel solennel à vous tous, mesdames et messieurs. Je lance un appel à madame la première ministre et du gouvernement belge, au roi Philippe, à toutes les associations ici présentes, à vous, mes chères mademoiselles, mesdames et messieurs, pour que vous puissiez nous aider. Parce qu'au moment même où je suis en train de vous parler, mon fils n'est pas encore enterré. Il est toujours dans le frigo. Ça fait 2 ans que nous ne pouvons pas entamer notre deuil. C'est pour cela que je vous demande à ce que toute personne ici présente et des associations que vous puissiez nous aider. Police assassin, police assassin, police assassin, police assassin, police assassin. Merci. Merci. Je demande que la justice soit faite pour mon fils Lamine et tous ceux qui sont aussi tombés dans les circonstances similaires. Je vous remercie. Nous comptons toujours à la justice et nous voulons aller jusqu'au bout. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. La vie des Noirs compte. La vie des Noirs compte. En tant que maman, il est temps de protéger vos enfants. Cherchez à savoir ce que vos enfants subissent à l'école. Cherchez à savoir le programme d'éducation de l'école. C'est là que commence l'éducation. L'Afrique n'a pas commencé à la colonisation. L'Afrique existait déjà bien avant la colonisation. Inquiétez-vous. Renseignez-vous sur ce qu'on dit à vos enfants. Une personne noire est aussi importante qu'une personne blanche. Une vie est égale à une vie. Égalité! Égalité! Alors, attention chers amis, nous allons demander un geste symbolique fort. Mais comme vous le savez, la symbolique a beaucoup d'importance. Alors on a souvent vu le genou à terre, alors que le genou à terre est le geste du criminel. Alors pour être en empathie avec les victimes, nous allons nous coucher par terre, en signe d'empathie totale avec les victimes. Que tous ceux qui le peuvent puissent se coucher par terre. Je répète ceux qui le peuvent. Pour tous les autres, le poing serré sera un signe de solidarité. Tous ensemble. En signe d'empathie pour toutes les victimes. Couchons-nous, nous levons le poing en l'air. Est-ce que l'alternative est raisonnable? Merci à tous. Je vais demander d'évacuer le podium. Je vais demander d'évacuer le podium, s'il vous plaît. Nous avons eu l'occasion d'avoir une maman qui a exprimé ses craintes par rapport au système scolaire. Dans la lignée de ce témoignage, nous allons donc parler de la discrimination au sein même du système scolaire. We cannot new happen over discrimination in the school. And ook in the school blijft racisme een probleem. L'ensemble des établissements scolaires belges. Madame la ministre, je m'adresse à vous car l'heure est grave. Au cours de ces derniers jours, une déferlante de témoignages a été publiée sur les réseaux sociaux par des jeunes noirs victimes de racisme durant leur scolarité. Avoir subi du harcèlement, de l'acharnement, de la violence, tant verbale que physique ou psychologique, et ce, simplement à cause de leur couleur de peau. Suite à la dénonciation de ces différents abus commis par certains élèves ou certains acteurs du système éducatif, il devient urgent d'élever les consciences. Nous sommes aujourd'hui face à vous pour que vous compreniez qu'une majorité écrasante de personnes noires est ou a été victime de racisme durant son parcours scolaire. Combien d'entre nous ont subi des remarques dégradantes dès l'école maternelle? Combien d'entre nous ont été réduits à suivre un enseignement de type professionnel ou d'autres voies de garage? Combien d'entre nous, après l'obtention d'un diplôme, se sont vus refuser un emploi à cause de leur couleur de peau? Je peux vous affirmer qu'il existe une violence institutionnelle subie par des personnes noires et par d'autres minorités qui les réduit à l'image d'une personne non ambitieuse. Jusqu'à ce jour, nous sommes stigmatisés car dans nos écoles, on nous enseigne une version erronée de la colonisation. Aujourd'hui, si on se réunit, c'est parce qu'on veut que ça s'arrête. Nous espérons que nos enfants ne doivent plus faire profil bas, que leur intelligence ne soit pas remise en question par leur couleur de peau, qu'ils ne soient pas soumis à la pression de devoir travailler deux fois plus, trois fois plus que les autres. Qu'ils puissent rêver d'un avenir brillant sans que l'on éteigne leurs ambitions. On ne veut plus d'injustice. On ne veut plus que nos compétences et nos capacités intellectuelles soient remises en question à cause de notre couleur de peau. Et cela, c'est possible. Grâce à l'éducation, il faut que dès le plus jeune âge, chaque enfant prenne conscience qu'on ne réduit pas quelqu'un à sa couleur de peau. Que chaque enfant prenne conscience qu'une personne noire peut être intelligente. Qu'une personne noire peut suivre de brillantes études. Qu'une personne noire a le droit de créer son propre futur. Nous savons que les partis de la majorité bruxelloise ont déposé jeudi dernier une résolution visant à décoloniser l'espace public en région bruxelloise et nous espérons que ce combat continuera après cette manifestation et qu'il ne s'agit pas de promesses qui ne se réaliseront jamais. Nous voulons que le gouvernement s'engage pour que l'enseignement soit décolonisé. Et je terminerai en vous disant que toutes les vies noires comptent. Black Lives Matter. Choisissons de ne plus vivre dans l'intolérance et créons ensemble notre avenir. Merci. Black Lives Matter. Black Lives Matter! Black Lives Matter! Black Lives Matter! Black Lives Matter! Voilà. Moi, je suis un jeune noir de quartier. On a grandi ici en Belgique avec beaucoup de nos frères. Depuis qu'on est petit, on a connu l'injustice, que ce soit à l'école, dans les rues, au travail, partout, partout où nous allons. Au jour d'aujourd'hui, ce que vous voyez dans les télés, c'est là depuis longtemps. Mais la seule chose aujourd'hui qui nous réunit, c'est que tout ça c'est fini. Trop c'est trop. Aujourd'hui, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse qui va régner, c'est la jeunesse qui va faire le mouvement. Je demande à tous mes jeunes, que ce soit noir, blanc, chinois, n'importe quelle couleur, nous devons être réunis. Parce que nos ancêtres, comment je veux dire, nos ancêtres, ils n'ont pas eu cette intelligence que nous avons là aujourd'hui. Mais aujourd'hui, trop c'est trop. Je n'aime pas tout le monde. Hein. On se fait contrôler, on nous regarde d'un mauvais œil parce qu'on est black ou on est tel. Le nom ne suit pas. Le nom ne suit pas. Nos couleurs nous suivent. Mais aujourd'hui, nous allons rester calmes. Nous allons montrer un bon visage de nous, les frères. Toute la jeunesse, on est ensemble. Trop, c'est trop. La jeunesse, réveillons-nous. Tous ces hommes politiques qui sont au pouvoir, là, qui sont vieux. Trop, c'est trop. Au travail, quand nos jeunes frères et sœurs, qu'ils ont terminé les études, qu'ils ont renommé dans les diplômes, ils veulent pas d'eux parce qu'ils ont un tel nom, parce qu'ils ont un prénom. Trop c'est trop. Aujourd'hui, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. La jeunesse, réveillons-nous, vous. Réveillons-nous. Tout le monde a point levé. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop, chers amis, trop, c'est trop. Nous allons maintenant accueillir un membre du collectif MIB, Made in Belgium, qui va s'exprimer sur la question de la discrimination dans le sport. We are not new happen over discrimination in the sports world. Mais un membre van de plateforme MIB, Made in Belgium. Je m'exprime au nom de l'ASBL Madinbe, ASBL principalement basée sur le football, fondée par des joueurs de foot professionnels. Aujourd'hui, je viens dénoncer la discrimination et l'injustice dans le sport. Depuis tout petit, quand j'ai commencé à jouer au football, on m'a dit « il faut que tu fasses deux fois plus pour arriver au même résultat qu'une autre personne ». Aujourd'hui, je dis non, non. En tant que personne noire, je ne dois pas faire deux fois plus pour avoir le même résultat qu'une autre personne. Être noir n'est pas un handicap. Plusieurs joueurs, plein de joueurs de football professionnel sont victimes de racisme, d'injures dans les stades de football. Je pense notamment à Mario Balotelli en Italie, Romelu Lukaku et à Dieu merci Ndongala qui a connu une injustice ici au HM. Aujourd'hui, en tant que joueur de foot professionnel, nous avons une certaine notoriété. Nous sommes suivis sur les réseaux sociaux et je pense que notre message ne doit pas simplement s'arrêter à liker et partager sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse plus que cela. Il faut qu'on s'active et il faut qu'on passe un message clair. Il faut qu'on demande aux fédérations d'éduquer la jeunesse dès le plus jeune âge dans le sport, sensibiliser les jeunes par rapport au racisme. Et les sanctions doivent être à la hauteur du préjudice subi. Ce n'est pas possible aujourd'hui qu'un jeune joueur noir se fasse insulter dans un stade et qu'on lui donne une amende de 200 euros aux supporters. Aujourd'hui, c'est non, trop c'est trop, comme a dit la personne avant moi. Aujourd'hui, nous allons, en tant que joueur professionnel, nous allons faire quelque chose pour que cela change. Aujourd'hui, je dis Black Lives Matter, non au racisme, non à l'injustice dans le sport. Je pense que tout a été dit. En tant que joueur de foot professionnel, il faut qu'on soit responsable. On est suivi, on est vu par beaucoup de jeunes. On doit montrer les exemples et plus avoir peur des conséquences. Quand un noir se fait insulter sur le terrain, il faut que le match soit stoppé. C'est nous-mêmes les joueurs. On doit sortir du terrain. Même si les supporters de mon équipe insultent un joueur de l'équipe adverse, je suis solidaire avec mon frère. On doit être ensemble. Plus de division. Il y en a marre. Tous ensemble. Et je veux qu'on lève tous la main en l'air et qu'on soit tous contre le putain de racisme. Merci à nos joueurs professionnels, des joueurs qui ont joué au plus haut niveau et qui viennent aujourd'hui nous rappeler l'importance de lutter ensemble, qui viennent nous rappeler que la responsabilité est collective, chers frères et chères sœurs. Avant de prononcer quelques mots, je voudrais d'abord à titre personnel rendre hommage à deux personnes. Je voudrais rendre hommage à un jeune frère qui s'appelle Boub Kerr et qui, suite à une course-poursuite avec la police, a été amputé des deux jambes, gratuitement. Et vous savez où est Boub Kerr aujourd'hui ? En prison ! Alors que les policiers qui ont fait en sorte qu'ils soient amputés, qui l'ont renversé, sont libres, Boub Kerr, lui, est en prison pour un soi-disant vol d'un poste télévisé. Ce vol de poste télévisé lui a coûté ses deux jambes. Je pensais qu'on avait une justice. Je pensais qu'il serait simplement arrêté et jugé pour l'éventuel délit. Mais non, la police a décidé qu'il serait amputé de ses deux jambes et qu'il terminerait en prison. Les voilà les injustices du quotidien. Et je vais appeler mon frère. Je vais te demander de mettre ici, s'il te plaît. Et là, je vais vous demander également de rendre hommage à Amine Bentounsi, qui a été lâchement assassiné d'une balle dans le dos. La lâcheté à son état le plus pur, une balle dans le dos. Et aujourd'hui encore, sa sœur Amal Bentounsi est harcelée par la police. Voilà nos combats quotidiens. Justice pour Amine Bentounsi. Justice pour Amine Bentounsi. Justice. Je vais vous demander de faire du bruit en signe de soutien. On est ici avec les personnes qui ont vécu ce drame. Alors envoyez-leur de la force. Donnez de la force au frère qui est là. Ces personnes portent des tailles. Maman Nicole Kandé est là. La famille de Papa Lamine est là. Donnez-leur de la force. Nos combats ne sont pas qu'à des kilomètres. Les victimes sont ici parmi nous. Nous sommes ici. Nous devons être solidaires. Donnez de la force aux familles. Donnez de la force aux sœurs. Donnez de la force aux frères. Je vais maintenant parler en mon nom propre, tenir quelques mots par rapport à la réunion, à la manifestation qui nous unit aujourd'hui. Je vais être honnête avec vous, j'en ai marre de marcher, j'en ai marre de manifester. Nos aïeux ont marché, nos aïeux ont manifesté, nos parents ont marché et nos parents ont manifesté. Aujourd'hui en 2020, un homme meurt devant les caméras de police. Devant les caméras, tué par la police, vu par le monde entier. Et aujourd'hui encore, nous allons marcher et manifester. Si nous voulons être la génération du changement, nous devons incarner ce changement. Nous devons être cette génération qui ne va pas se réjouir. Nous ne pouvons pas nous réjouir que les policiers meurtriers et enfin été inculpés après de telles mobilisations, alors qu'ils auraient dû être inculpés directement après la diffusion des images. Cela nous prouve que le malaise est profond. La mort de George Floyd revêt deux aspects. Les violences policières et le racisme contre les Noirs. Aujourd'hui encore, un policier barbare peut exercer sa sauvagerie aux yeux du monde, se sachant filmé, se pensant intouchable, et ce dans un contexte d'impunité généralisée. Les policiers qui commettent des délits ou des crimes doivent être punis. La justice doit faire son travail. Les élus politiques doivent faire leur travail. Les nombreux policiers qui ne sont pas sanctionnés salissent le métier de la police. Ces nombreux policiers font passer l'uniforme de police pour l'uniforme de la brutalité, l'uniforme de la lâcheté, l'uniforme du racisme, l'uniforme de l'oppression. Nous croyons en la bonté, en l'intégrité et en l'esprit de justice de nombreux policiers. Mais nous croirons en l'intégrité, la bonté et l'esprit de justice de l'institution policière quand celle-ci sanctionnera systématiquement les coupables de bavures policières. Le fait que des policiers qui intimident, insultent, agressent, raquettent et même tuent sans être inquiétés nous laisse penser que cette violence est tolérée, que cette violence est acceptée et même voulue. George Floyd est mort et c'est la surmédiatisation de cette affaire qui nous amène ici. Mais si nous voulons changer réellement les choses, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire pour réellement changer les choses? Vous tous qui êtes là, nous tous qui sommes ici, le combat est quotidien. Alors chers amis, des revendications ont été avortées par le collectif Justice pour Mehdi. Je vous invite encore une fois à suivre de près ces revendications, à vous y greffer, car nous serons nombreux que si nous serons forts que si nous sommes nombreux, unis et solidaires. Nous devons réclamer que le comité paix devienne indépendant, vraiment et totalement indépendant. Nous devons militer dans ce sens. Ainsi, les policiers seront jugés par des civils qui pratiqueront une justice impartiale. Mais la mort de George Floyd revêtait le caractère des violences policières, mais également le racisme. Et c'est bien pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Le slogan Black Lives Matter répond à cette question raciale. Mais je vais être très honnête avec vous tous. À titre personnel, je rejette le contenu de la phrase Black Lives Matter. Je vais vous expliquer. En tant que noir, fier et conscient de sa valeur, au grand jamais je ne vendrai ma dignité pour aller demander à qui que ce soit de me donner de la reconnaissance. Au grand jamais, j'irai quémander du respect à une autre communauté. Je sais ce que je vaux. Je sais ce que mes frères et sœurs noirs valent. Vous le savez. Vous savez ce que vous valez. Laissons tomber le Black Lives Matter. Revenons à ce bon vieux Black Power. Revenons à ce bon vieux Black Power. Black Power. Mais le pouvoir noir n'est pas qu'un slogan. C'est une attitude. Ne laissons pas les autres nous mépriser. Ne nous méprisons pas nous-mêmes. Si nous nous haïssons entre nous, nous permettons aux autres de nous haïr. Alors mes chers frères et sœurs, si nous voulons être forts, soyons unis. Nous étions ici unis il y a quelque temps pour la Libye, très nombreux. Et notre slogan c'était « Libérons l'Afrique ». Je vais conclure très simplement en corrigeant ce slogan. Libérons-nous de nos propres chaînes. Combattons la haine de l'autre par l'amour des nôtres. Merci à tous. Veuillez respecter les distances de sécurité. Veiligheid afstand respecteren alstublieft. No justice! Bonjour à tous. Je m'appelle Lucène de Yakuza. Marie-Pierre Akakoma. Je suis née au Congo. J'ai 24 ans. Je suis née à Lubumbashi. Quand je suis arrivée en Belgique, ma mère elle m'a dit t'as deux problèmes. J'ai dit c'est quoi mon problème? Elle m'a dit t'es une femme et t'es noire. Aujourd'hui, je veux que le problème s'arrête. Je veux que le problème s'arrête. Je veux arrêter d'arriver dans des endroits et qu'à chaque fois que je viens, ils ne peuvent pas juger à cause de ma couleur de peau. J'en ai marre. Et vous en avez marre? Est-ce que vous en avez marre? Je vais vous entendre plus fort. Est-ce que vous en avez marre? Je vais vous dire ce que moi j'ai trouvé comme solution. L'amour. L'amour, il faut le chérir, il faut le nourrir, il faut l'entretenir, mais il faut surtout l'utiliser. Il faut qu'on s'aime, bordel. Il faut qu'on s'aime entre nous, peu importe notre couleur de peau, peu importe d'où on vient, nos origines, nos cultures. Il faut qu'on s'aime, il faut qu'on s'aime. Il faut qu'on s'aime avec cette rage, il faut qu'on ait cette rage quand on s'aime. C'est ça qu'il faut, il faut qu'on s'aime avec cette rage, peu importe d'où on vient. C'est la seule chose à tout jamais qui pourra toujours nous unir. On pourra tous avoir des gueules différentes, des âges différents, des poids différents, whatever the fuck we look like. On va toujours s'aimer. C'est le seul truc qui nous rejoint. Black Lives Matter! Black Lives Matter! On veut respirer! On veut vivre! C'est notre génération qui doit faire la différence. On est jeunes, on est là, on a de l'énergie. La prochaine fois, il faut que ce soit tous les autres noirs ici, tous les autres blancs, tous les autres arabes. Tout le monde doit parler comme ça. Il faut qu'on soit comme ça dans notre vie au quotidien, à l'école, au travail, à l'UNIF, dans la musique, dans le foot. Peu importe ce que vous faites, prêchez l'amour au quotidien. Prêchez l'amour au quotidien, c'est ça qui va nous sauver. Les mots, il y en a tout le temps. Il faut qu'on agisse avec des actes. No justice! No justice! No justice! Black Lives Matter! Filles du Congo, filles et filles d'Afrique, tous les pays, ce pays On vous dit l'inverse tous les jours. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Demain, ce qu'on veut, c'est qu'on reconnaisse la colonisation, qu'on fasse tomber la statue de Léopold II. Enough de l'ennemi. C'est-à-dire que s'ils pensent qu'on va s'en aller, t'auront qu'une des têtes, t'auront là la haoua. Ce pays est à nous aussi. On veut bien décoloniser, on décolonise nos mentalités, on décolonise nos relations. Commencez par décoloniser aussi les manuels scolaires. Commencez par intégrer nos vies noires, nos vies racisées dans la vie en Belgique. Si l'union fait la force, ce ne sera pas avec, sans nous, c'est avec nous. Sinon il n'y aura rien. Trop c'est trop, comme disaient les jeunes avant. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Je ne sais pas quoi dire, je suis tellement heureuse de vous voir. On a travaillé toute une semaine avec vous, ensemble, les communautés. Hétéro, homo, ensemble, personnes trans, tout le monde, pour être ici, ensemble, décoloniser les esprits. Donc on gagne des têtes, donc on l'a la hawa. In solidariteit met de Zwarte Piet! Zwarte Piet kan niet! Zwarte Piet hoort niet! Zwarte Piet hoort niet! No more blackface! No more blackface! No more blackface! No more blackface! No more blackface! No more blackface! Dank u wel. La manifestation va tout doucement bientôt prendre fin. Je vous donne déjà quelques consignes fondamentales. Pour des raisons de sécurité, tous ceux qui le peuvent sont invités à évacuer une fois que la manifestation sera terminée via le boulevard de la région. Je crois qu'on a un invité surprise. Nous avons visiblement un invité surprise. Ce qui n'empêche qu'il faudra quand même évacuer par le boulevard de la Régence. Évitez un maximum l'avenue Louise pour ceux qui en ont la possibilité. L'avenue Louise va être fermée par la police. Pour le bien-être et pour l'image de tout un chacun, pour la sécurité de femmes, hommes et enfants qui sont présents ici, nous vous demandons à toutes et tous, bien entendu, de garder votre calme, d'imposer l'image de respect. Nous sommes en train d'imposer le respect au monde par notre comportement. Je vous invite à continuer dans ce sens. La dignité est la plus belle des réponses. Et ensemble, unis, nous sommes dignes, nous sommes beaux. Black, blanc, beurre, ça n'a plus aucun sens, je ne vois qu'une seule foule. Tous ensemble, unis, soyons-le, restons-le. Je rappelle bien entendu que nous voulons la paix, mais que la paix est impossible sans la justice. No justice! No peace! No justice! No peace! Vous êtes déjà fatigué? Non! Vous êtes fatigué? Non! No justice! No peace! Justice pour Dieu, merci Kanda! Justice pour Dieu! Justice pour Lamine! Justice! Justice pour Adil! Justice! Justice pour Semira Adamou! Justice! Justice pour Mehdi! Justice! Justice pour toutes les victimes! À s'aimer, à travailler ensemble, à opérer dans l'excellence, élevés du pays. Ayons des noirs dans la politique. Ayons des noirs dans le droit. Ayons des noirs dans l'enseignement. Ayons des noirs dans l'histoire. Ayons des noirs dans la finance. Ayons des noirs partout. Placez-vous stratégiquement. Et travaillons dans l'unité. Envoyez vos enfants dans les meilleures écoles. Rappelez-les dès le jeune âge qu'ils sont bons et qu'ils peuvent y arriver. We can do it. L'après-combat, c'est ce qui va compter. Partons d'ici avec un changement, une détermination. Et que ça se voie dans le résultat. Ça, c'est bon. Mais que le résultat parle pour lui-même afin qu'on devienne réellement a Black Power Community. Et quand on aura la Black Power, la puissance, enfin nos vies compteront. Parce qu'on est dans un monde où ce qui est respecté, c'est la puissance. Ouais. Je vais demander à tout le monde de lever les bras. On va tous lever les bras, on va lever les bras, on va lever les bras. Et on va taper dans les mains, on va taper dans les mains. On va nous entendre partout. Trop, c'est trop. Merci pour votre présence à toutes et tous. Comme l'a rappelé Mwamba tout à l'heure, cette marche est une première grande action symbolique que le monde entier regarde. Ne donnons pas la chance de rentrer dans le désordre. La plus grande action qu'on peut encore faire, c'est de rentrer dans la dignité, l'unité, la fraternité, en méditant sur qu'est-ce qu'on va continuer à faire pour le futur. On rentre, comme ils ont dit, dans la rue de la Régence qui se trouve juste derrière nous. Rentrer dans la dignité et le calme. On aura encore un discours de clôture pour remercier toutes les personnes présentes ici aujourd'hui au nom de Black Lives Matter. Black Lives Matter! Black Lives Matter! No justice, no peace! No justice, no peace! No justice, no peace! No justice, no peace! Montre-leur que nous sommes dignes! Montre-leur que nous sommes fiers! Montre-leur que nous sommes unis! Que la discipline, c'est chez nous! Nous marchons! On vous remercie toutes et tous! Mes frères et mes sœurs et mes frères, merci pour ce que vous avez fait. C'est un succès, on a gagné. Je demanderai juste à tout le monde de partir maintenant dans le calme. Ok? La victoire, c'est surtout la fin. Ok? Donnez pas d'excuses aux gens pour qu'on nous discrimine et qu'on dise qu'on fout le bordel. Ils croient qu'on va casser. Ne cassez rien. Partez dans la paix. Partez dans la paix, c'est important. Montrez une image nouvelle. Merci à tout le monde. Merci. On peut s'applaudir tout le monde. Merci à vous tous. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. On y va au calme, on y va, il n'y a pas de pression. À votre aise, la seule consigne, personne ne part par Louise. Personne ne passe par Louise. On part par tous les autres chemins. Merci beaucoup à tout le monde. Montrez une image pacifique et positive. Notre image, c'est nous qu'on l'a fait. No justice, no peace. Yeah.